19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment ça va-t-il bien? Un peu fraîchement, mais bon, c'est pas grave. 2 heures de métal en fusion vont vous réchauffer, croyez-moi. Au-delà de vos espérances, les neurones vont bouillir. Vous allez avoir le cérumen des oreilles qui va partir en fumée. Comme toutes les semaines, d'ailleurs. Donc ce soir, pour ce joli programme, j'ai 4 nouveautés à vous proposer. Et aussi donc un petit retour sur l'actualité de ces dernières semaines qui a été assez riche quand même, il faut le dire, car même si on n'a pas beaucoup de concerts en ce moment, bon, les sorties de disques quand même sont assez importantes. D'ailleurs, heureusement pour nous, ça veut dire qu'il y a toujours une activité. Eh bien, puisqu'on parlait de live, on va commencer tout de suite avec une des nouveautés de la semaine dernière. C'est le live de Helmet, le groupe de hardcore américain qui existe depuis maintenant une trentaine d'années. C'est son premier live. Et curieusement, il nous a choisi, par contre, au lieu de faire un album live actuel, de replonger dans ses archives et de nous sortir donc 2 concerts mythiques. Le premier qui date de 90, enregistré au CBGB, le fameux club de New York où tous les plus grands groupes du hardcore et même du rock, puisque les Ramones, Blondie, Patti Smith et autres ont fait leur début là-haut. Et aussi un concert enregistré lors d'un grand festival en Australie en 93 au Big Day Out. Eh bien, ce soir, on va faire un petit tour donc à Melbourne, à ce grand festival au Big Day Out, où Helmet apparemment ouvrait ce festival et, à mon avis, assommait le public avec son hardcore alternatif. Et vous aussi ce soir avec Iron Head. We'll be right back. N'est-ce pas? Better et Iron Head, donc deux extraits du Live and Rare de Helmet, groupe légendaire de hardcore alternatif, sorti donc fin 2021. Eh bien, je vous avais promis des nouveautés, voici la première, avec tout nouveau, tout chaud, avec notre la sortie de notre fierté orléanaise, puisque c'est le groupe de rock d'Orléans, les Burning Heads, qui ont enfin sorti un nouvel album, qu'on n'attendait plus réellement, parce qu'il faut dire que Burning Heads, qui sont là quand même depuis 35 ans, excusez du peu, on n'en est pas cher de leur peau après 2018, quand Pierre, leur chanteur-guitariste, était parti après 28 ans de présence dans le groupe. On se demandait quand même comment le groupe allait faire pour quand même pallier à une telle absence. Eh bien, en 2019, toujours est-il que leur premier guitariste, Phil, qui était parti en 2001, était revenu. Donc le fils prodigue est revenu en 2019 pour lancer un petit peu la machine. Et ils ont trouvé un nouveau chanteur, Fra, qui nous venait des groupes Ravi et Eternal Youth. Alors, on se demande, Burning Heads, est-ce que du coup le style a changé? Est-ce que c'est devenu autre chose? Parce que bon, succéder après une telle identité vocale, c'est peut-être pas évident. Eh bien, en fait, non, pas du tout. On est en territoire connu, vraiment ce punk rock mélodique entre hardcore et rock californien, toujours là. Et puis vocalement, le nouveau venu est très proche vocalement de son prédécesseur, donc il n'y a aucune surprise. Donc c'est vendredi que cet album qui s'appelle Torches of Freedom est sorti, donc comme quoi c'est tout nouveau, tout chaud. Il est également disponible en vinyle et CD bien sûr, et je vous invite tout de suite à le découvrir avec le morceau Wrong Direction. commence à danser la merde. Je sens la guillotine prête à couper mes veines. J'ai pas la dune qu'il faut pour assurer mes rêves. Si je veux changer de moto, emmener ma meuf au soleil. Bon, on me demande un peu trop pour le peu que l'on m'aide. Je suis pas dans le caniveau, mais y'a des limites quand même. On me saigne comme un traître, je peux plus payer mes traites. Mon réveil qui explose, à 4 dans ma tête. Je me sens morose, je veux comme une pause. Car j'ai les idées noires, tu vois. La crise, ça c'est un extrait de Deuxième Regard, le troisième album des Verdenev, je sais pas comment ça se dit, les habitants de Verdun, donc groupe qui nous vient de Verdun, c'était Nagas. Juste avant Nagas, bien de chez nous, puisqu'ils sont, c'est les autochtones, c'est les Burning Heads, avec leur tout nouvel album Torches of Freedom, qui est sorti vendredi, et c'était le morceau Wrong Direction. Eh bien, dimanche, vous savez que il y a un événement important. Ben oui, dimanche, c'est les élections présidentielles. Alors, je ne vais pas vous dire pour qui voter. Nous ne sommes pas une émission politique. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est pas le problème. Enfin, vous avez remarqué, il y a quand même 12 candidats. Alors, je sais pas quels sont. Si vous êtes croyant, vous allez vous dire, tiens, ils sont 12 comme les 12 apôtres qui entouraient Jésus-Christ. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous êtes plutôt cinéphile, vous avez plutôt pensé au film de Robert Aldrich, Les 12 salopards. Après tout, c'est pas incompatible non plus. Et donc, voilà. Et notre cher candidat, le groupe Tagada Jones, tiens d'ailleurs Tagada Jones qui est en tournée actuellement avec le Gros 4 en compagnie donc de Ultra Vomit, Mass Hysteria et No One Is Innocent, ainsi que du Hellmest Warm Up. Avec le groupe espagnol Crisix, d'ailleurs normalement il devrait nous rendre visite à l'Astrolabe le 5 mai prochain. Et Tagada Jones a un petit message à leur donner à nos chers candidats. Et ça c'était lors du Hellfest en 2017, extrait donc de leur album Live at Hellfest qui était sorti un an plus tard, 2018. Et ce morceau c'est Envers et Contre Tous. Il y a un président qui nous avait dit que nous étions les sans-dents. En gros, les cassos. On n'est rien de tout ça. Nous sommes les chiens de la casse. Et au bord, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez pris notre tolérance pour une faiblesse. Souffrez que notre impatience vous blesse. Sous les chiens de la casse, descendant pour nos libertés, que l'on suit à la trace qu'on dit nous depuis la puberté. Chien de la casse, sans pour nos libertés. Chien de la casse, sans chien de la casse, sans pour nos libertés. Que l'on suit à la trace qu'on dit nous depuis la puberté. Liberté, chien de la casse, chien de la casse, sans plus de liberté, chien de la casse, sans que l'on se à la tasse comme nous, depuis la liberté. Attention donc de nos candidats à la candidature suprême. À l'instant, c'était Massisteria avec ses chiens de la casse, extrait du CD-DVD Hellfest qui a été enregistré en 2019 lors de la dernière édition donc du Hellfest, en espérant que au mois de juin, ça ait lieu, sait-on jamais. Juste avant Massisteria, dans le même esprit, Tagada Jones, enregistré au même endroit, mais lui en 2017 sur son live at Hellfest, c'était Envers et Contre Tous. Et bien maintenant, je vais vous faire découvrir la deuxième nouveauté. Alors, vous allez avoir l'impression de voyager dans le désert californien, mais alors qu'en fait, ce sont deux Alsaciens. C'est un duo, guitare, chant et batterie, qui s'appelle Knucklehead. qui vient donc de sortir son troisième album, dont on entend beaucoup parler d'ailleurs. Il y a de bonnes critiques un peu partout, et c'est vrai que l'album est pas mal du tout, il y a des choses très intéressantes. Par moments, on pense à du Volbeat, on pense à des choses rock, un peu 70s, un peu stoner, il y a des choses très bien. Par contre, je dois avouer que je les avais vus en concert lors du Vintage Tour Festival, juste à la première partie des Rival Sons, et ça ne m'avait pas emballé des masses. Hein. Bon, peut-être qu'ils ont fait des progrès depuis, à suivre. En attendant, donc cet album qui est sorti mi-mars s'appelle Holsters and Rituals, donc, oui, le programme. Le morceau de ce soir, c'est The Right Way, et l'intro, c'est celle qui donne son titre à l'album. Découvrons ça ensemble tout de suite. Thank you. le légendaire guitariste à haute forme Slash avec son nouvel album intitulé tout simplement Four, quatrième. Bah oui, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et c'était le morceau C'est la vie. Et oui, texto en français, c'est la vie. Ouais. Juste avant Slash, deuxième nouveauté de la soirée, venue d'Alsace. Et pourtant, hein, quand on entend, on croirait plutôt que ça nous vient du désert californien. Knucklehead avec leur album Holster and Ritual. D'abord le morceau The Right Way et la petite intro qui donnait donc son nom à l'album. On va calmer le jeu, on va passer quelque chose de beaucoup plus progressif et plus introspectif. Et pour ça, on va revenir à l'excellent nouvel album de Marillion qui est sorti au mois de mars, An Hour Before It's Dark. Et je vous invite à découvrir le morceau Sierra Leone, un morceau composé de 5 parties. Chains in a Million, The White Sand, The Diamond, The Blue Warm Air et More Than Treasure. I found an object deep below the ground. Chains in a million under a rich town. Where little barefoot children scratch around. Fishing for treasure in the broken glass. Dug around for years in darkness and in sweat. We'll be right back. Toujours aussi magnifique, c'est à croire que le temps n'a pas de prise sur eux, toujours aussi inspiré. C'était Marillion avec un extrait de leur fabuleux dernier album An Hour Before It's Dark qui était sorti début mars. C'était le morceau Sierra Leone, un morceau composé donc de 5 parties. Chance in a Million, The White Sand, The Diamond, The Blue Warm Air et More Than Treasure. Et bien maintenant on va se faire une nouveauté, la troisième de la soirée. Là on va se faire quelque chose de beaucoup plus méchant. Et pour ça, on va faire un petit tour du côté de Reims. Pourtant, quand on voit la pochette, bah, pareil que pour Knucklehead tout à l'heure, on se croirait plutôt en plein western, en plein Texas, plus exactement, quand on voit ce cowboy en train de se prendre un pain dans la gueule, quelque chose de magistral. Ça, en fait, musicalement, par contre, là, on est quand même plus proche de Pantera, de Lamb of God ou de Machine Head. Bref, c'est du costaud. C'est leur premier album qui s'appelle Unwanted, et croyez-moi, ça le fait vraiment. Ça, ce genre de groupe à voir en sur scène, parce que ça doit être vraiment efficace. Un petit snake bite après Marillion, je pense que ça va vraiment nous faire beaucoup de bien. Ici, Marillion nous a fait beaucoup de bien aussi. You're hommes. Mon spécisme, mon taille espèce, tout le racisme, le sexisme, pas la race et le sexe. Je vois chez les bêtes, tout ce qui manque aux humains. Les pires se battent, les d'une génération qui sont là, les mains. Je vois les hommes qui se battent pour imposer à l'espèce ce pauvre destin. Putain, j'attends tellement prochain astéroïde qui viendrait nous sauver de la faim. Quand toutes les bêtes sont barrées, on vendra tous ces plus mollets. Petite humain vive à cette planète pour apprendre aux carottes à tirer leur calèche. Bien sûr, Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez Electric Shock, l'émission qui grille les neurones. Là, on s'en est grillé quelques-uns avec un extrait du premier album de Affect, l'Odyssée de l'Espoir. C'était Le Loup de l'Homme. Juste avant, eux aussi, c'est leur premier album qui s'appelle Unwanted. C'était Lire et Moi de Deadwood et c'était le morceau Snake Bite. Et voilà, donc la première heure d'Electric Shock vient de s'achever, mais rassurez-vous, nous sommes là encore pour une heure. Et on va attaquer donc cette deuxième heure avec une légende du rock, Kiss, qui nous a sorti un petit live de Derrière les Fagots, sorti de ses archives, enregistré à Virginia Beach en 2004. Off the Soundboard, donc comme son nom l'indique, un enregistrement brut de fonderie, comme le Helmet pouvait l'être tout à l'heure. Tout à l'heure, on vous a passé quelques extraits depuis plusieurs semaines. Et sur ce live, enregistré donc en 25 juillet 2004 plus précisément, figurait le morceau She, qui à l'origine figurait sur Dress to Kill en 1975, et dans une version assez proche du Alive. Voilà, ça c'est pour les connaisseurs. Donc, Kiss, qui normalement est en tournée d'adieu, donc mais ça, wait and see comme on dit. Right. Oh. Larger Than Life, c'est clair, les Américains de Kiss, avec le morceau She, extrait donc du Live of the Soundboard Virginia Beach 2004, qui est sorti à quoi, un mois à tout casser. Des États-Unis à nos cousins québécois, bah, y a qu'un pas qu'on va franchir tout de suite. Et on va retrouver nos copains de Voivode et leur dernier album Synchro Anarchy qui est sorti mi-janvier. Et devinez ce qu'on va s'envoyer tout de suite? Eh ben, Synchro Anarchy. Yeah. Hopeless and Beaten, ça c'est un extrait de Requiem, le dernier opus de Korn. Et avant c'était Synchro Anarchy, bah, de l'album du même nom des Canadiens de Voivode. Et bien après ce passage quand même assez oppressant, je vous invite à faire un petit tour en Californie, sous le soleil californien, avec la quatrième nouveauté de la soirée. Et en même temps, un retour dans le temps, parce que musicalement, on est plus proche du rock de la fin des années 60-70 avec le duo Firebug. Alors Firebug, c'est le duo, un duo composé donc de Juliette Tourcey et de Jules Shapiro, qui s'occupe donc de guitare, de basse, de clavier aussi. Et pour Juliette aussi, également. Donc c'est un mélange de blues rock un peu psyché, par moments on n'est pas loin de Janis Joplin, Led Zeppelin, enfin toute cette grande époque, mais avec un son beaucoup plus actuel, et ils viennent de nous sortir donc leur premier album, premier EP, parce que maintenant c'est plus trop, il y a 7 titres pour 35 minutes, ce qui équivaut à un album des années 70, ça c'est clair. Il s'appelle No Return, il est sorti mi-mars, et je vous invite à aller faire un petit tour très avec ce morceau très bluesy qui est Down. Oh, Sympa, c'est clair. C'était donc Firebug avec Down, extrait de No Return, leur premier album, sorti donc la mi-mars et quatrième et dernière nouveauté de la soirée. Ben de Californie au Kentucky, il n'y a qu'un pas. Et ben on va retrouver maintenant Hydrogen et son dernier album qui est sorti fin 2020, voire début 2021, suivant les pays, on ne sait pas trop. Hydrogen qui nous est revenu avec une nouvelle chanteuse sans que ça ne nuise au style, hein, voire les Burning tout à l'heure. Cet album, c'est The Boiling Point et le morceau de ce soir, c'est The Boiling Point. Stops. I'd rather. sang. The seventh sun. A child is born, a man has died, a time of joy, a time to cry, the voice of love, the only one, your soul will always shine in the seventh sun. Morceau que ce Seven Son, extrait de Rock Believer, le dernier album de Scorpion. Ben, on peut voir que les septuagénaires, ben, ils ont encore de l'imagination et ils arrivent toujours à nous faire des albums vraiment somptueux. Si c'est leur chant du cygne, et ben voilà, on pourra dire chapeau artiste. Juste avant Scorpion, c'était Hydrogen avec leur, un extrait de leur album The Boiling Point. C'était The Boiling Point. Et ben maintenant, on va faire un petit tour du côté de Mulhouse et on va retrouver Brief from the Void avec leur EP éponyme, qui vont avec le morceau Ocean Eyes. Goodbye, everyone. Ocean Eye, c'était donc Brief from the Void, un groupe de Mulhouse. Eh ben, de Mulhouse, allons faire un petit tour à Troyes et on va retrouver Insolvency, son album Illusional Gates, avec le morceau Fade and Flow, si vous voulez bien, et la petite intro Afterlight. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock. Et Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, Insolvency avec Fade and Flow, la petite intro Afterlight, extrait de l'album Illusional Gates. Bah, tout à l'heure, on s'est passé un extrait de Slash avec Miles Kennedy. Bah, tiens, je m'étais dit qu'on se serait bien de revenir à son groupe principal qu'est Alter Bridge. Et Alter Bridge qui, normalement, devrait nous sortir un nouvel album cette année, donc à suivre. Toujours est-il qu'à la fin de l'année 2020, on a eu droit à un petit EP qui s'appelait Walk the Sky 2.0, avec un titre inédit et qui contenait également des titres live. Eh bien, ce soir, on va se faire les deux titres live extraits de ce EP qui avait été enregistré pendant la tournée, enfin, le simulacre de tournée de Walk the Sky qui a été interrompu à cause du Covid. Tout d'abord, Wouldn't You Rather? Mine et Wouldn't You Rather, ça c'est deux titres live qu'on peut trouver sur le EP de Walk the Sky 2.0 d'Alter Bridge en attendant le nouvel album d'ici la fin de l'année probablement. Allez, on a le temps de se faire un petit morceau. Bah tiens, on va revenir au EP de See You at Sunset et on va terminer avec un morceau qui s'appelle Capitalisme et après on se dira au revoir. Capitalisme de See You at Sunset, extrait donc du EP éponyme. Voilà, c'est le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de ce magazine du métal. Eh bien, j'espère vous retrouver la semaine prochaine où j'aurai encore quelques nouveautés à vous proposer. Bien évidemment, d'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal, faites gaffe à vous et écoutez Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Allez, à mardi. Salut à tous.